À l'école, scène 6, dans la cour de l'école. C'est l'hiver. À l'école, il y a un carnaval d'hiver, avec beaucoup d'activités traditionnelles. Une glissade de glace, des forts de neige, des sculptures de neige et de glace, de la tire d'érable, de la musique traditionnelle franco-canadienne, et certaines danses, comme la gigue. Deux amis se préparent pour y participer. Patty, dépêche-toi! Ça te prend du temps à t'habiller! Une minute, Sarah. Il fait froid dehors. Si nous allons participer à toutes les activités au carnaval, je ne veux pas avoir froid. Bon, d'accord. Il y a beaucoup d'activités. Moi, je veux de la tire d'érable. L'hiver passé, j'ai mangé 3 gros morceaux de tire à la cabane à sucre. Miam, miam! Gourmande! On doit faire quelques descentes sur la glissade après notre collation, d'accord? Ah oui, d'accord. Et après, on va danser la gigue. C'est tellement drôle, cette danse! Pas moi. Si Jacques me voit faire la folle comme ça, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Je suis trop gênée. As-tu vu Jacques danser? C'est lui qui devrait être gêné, ma chère. Tu as bien raison. Mais quand même, je préfère apprendre quelques chansons traditionnelles. Et après, veux-tu bâtir un fort de neige? Peut-être que Jacques et Henri peuvent nous aider? Ça sera génial! Mais... Oh! Sarah? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut rentrer dans l'école. J'ai envie. Je dois aller aux toilettes.